Marcuse, Murak, Miss Ignore, jamais seul, non, non, plus jamais seul, Kawatz, plus jamais seul. Nobody gets me from running like that. Nobody knows the way I feel inside. Nobody told me to be that hard. Ooh. When you get yourself lost into the crowd, when you're feeling down and living underground, loneliness hides and loneliness hides. Ooh. La solitude, un sentiment que je connais plus que l'amour. Elle est là depuis ma naissance, elle restera jusqu'à ma mort. L'impression d'être isolé, même avec plein de monde autour. Pour éviter tous ces vautours, tu finis comme un rat mort. Je suis seul dans ma bulle, seul dans ma tristesse, elle rétrécit ma vie, réduit les distances, impossible que jure. Je sens que mes crises pèsent pour pas finir hystérique, mes tensions se cristallisent. Je ne prie pas le Christ, même à deux doigts des chrysanthèmes. Les deux doigts dans la prise, ce sera trop tard pour dire on t'aime. Je suis pris par le fils, il n'y a que moi qui me comprenne. Marcher seul, ma devise, jamais mieux servi que par soi-même. Je veux éviter les contraintes, on est rarement seul contraint, car les traites vont bon train. Pour ça, y'a pas de bon teint. Quand les anniversaires de mort sont plus nombreux que les naissances, tu te retrouves. Seul à bord, y'aura jamais de renaissance. Nobody gets me from running like that. Nobody knows the way I feel inside. Nobody told me to be that hard. Ooh. When you get yourself lost into the crowd, when you're feeling down and living underground, loneliness hides and loneliness hides. Ooh, for you. La solitude, c'est pour moi une habitude. Quand je titube ou reste dans la merde, tu rêves que les amis t'aident, mais souvent le plus fidèle répondent au nom du label. Seul, depuis ce jour où tu m'as quitté dans ce seul, depuis le jour où la chance m'a laissé sur le seuil, je me sens si solitaire. Et parfois pour ne plus l'être, je remuerai ciel et terre. Envie d'une vie solide, mais la mienne s'écroule et passe si vite, tel un bolide. La tristesse d'une vie sans véritable amour, y'en a pour qui apparemment ce doit être tabou. J'ai mis mon cœur en location, mais le bail paraît cher, vu qu'il n'y a pas de précipitation et vraiment pas d'enchère. Je me résigne, vu que le bonheur ne m'a toujours pas fait signe. Plus rien ne me fascine, dire je t'aime aujourd'hui paraît si difficile. Rancœur. Si tu transperces mon armure, tu verras une âme en pleurs. Des émotions derrière un mur qui s'épaissit d'heure en heure. Donc mes mots sont durs, mon pessimisme à la hauteur. Je ne fuis pas mes recherches, cette solitude impalpable. Que feront mes frères si je disparais de ça, on parle pas. Les vraies amitiés sont rares, j'ai un énorme privilège. Je sais qui prendra le relais si demain je quitte le cortège. Le sentiment que l'amour m'a tout simplement déjà. Et à mon âge, je me pose peut-être trop de questions, ai-je pris le bon chemin, choisi la bonne route. Jour après jour, s'installe le doute. L'impression que de toi, j'en ai rien à foutre. Mais au fond, un cœur énorme, mais qui a pris des shoots. Alors j'écris ces rimes, et peut-être entendras. Avec tout ça, je rame. J'espère que tu comprendras que les vraies amitiés sont rares. Nobody gets me from running like that. Nobody knows the way I feel inside. Nobody told me to be that hard.